Ronaldo que mexe o chifre. Mas depois que les hommes portent vos talons, ils ne sont pas de vos talons, mais ça s'appelle tous derrière.